Bonjour et bienvenue sur le 91 et le 102.5 MHz de Saint-Géophone. Nous sommes ensemble pour une heure et c'est à François. Avec une émission spéciale aujourd'hui consacrée au premier album de Manu Sow. Sorti en 1993, La Noire Manu est un disque profond, triste et engagé, hanté par le sida et la mort, qui propose une poésie écorchée sur des musiques qui puisent leur inspiration dans l'énergie du punk, la musette et le jazz, pour en faire au final un grand album de chansons françaises. Donc à l'écoute intégrale de La Noire Manu et à la découverte de l'univers de Manu Sow que je vous propose de partir. Né en 1963, Emmanuel Cabu, de son vrai nom, est le fils du dessinateur Cabu. Malgré des rapports conflictuels avec son père, celui-ci lui a peut-être transmis sa passion pour le jazz. Quoi qu'il en soit, Lano dessine, comme son père, et peint beaucoup. Il est rapidement attiré par le mouvement punk, le monde de la rue, et tombe dans l'addiction à l'héroïne. Dès l'âge de 17 ans, il joue dans le groupe punk Chihuahua, dont on vient d'écouter un titre, en tant que guitariste. Au tournant des années 90, l'expérience Chihuahua finit, il est temps pour Lano de se faire un nom en... Hey. La barre est dure, tiens-la bien, tes deux reins. Ta victoire est amère, tout un monde englouti, un peu salé. Et le canal résonne, la glace sous la proue qui pleure et chémit comme tes deux pieds gelés, tiens-la bien. Déchire cette eau à grands coups d'hélice. Ta victoire est si triste, tiens-la bien. Elle n'appartient qu'à toi, comme le vent dans ton cou, comme ta sueur qui navigue entre ta peur et ton courage. Ta victoire est si vaine, si lointaine, lourde, trop lourde de glace et de graisse. Tiens-la bien, tiens-la bien, tiens-la bien. Toi-même y croire quand tu mens à tes deux mains qui pleurent ta victoire si froide, plantée dans la mousse des parois d'écluses qui suintent comme le désir d'en finir. D'un coup d'un seul dans ses bras là-bas, tiens-la bien, tiens-la bien. Ses yeux, ses cheveux tout noirs t'attendent peut-être, tiens-la bien. Mais tu sais bien que non, mais tu sais vraiment rien, pauvre con. Ta victoire est si pure, si seule, si dure. Ta victoire est si vaine qu'elle ne peut qu'être belle. Tiens-la bien. Au début des années 90, Manu Solo passe derrière le micro et interprète des textes de sa composition. Influencé notamment par Blaise Cendrars, il chante fréquemment au théâtre du Tourtour avec le groupe de ska punk Marousse et Fouli. Enfin, son premier album, qui débute par La Barre est dure, la chanson que l'on vient d'entendre, sort en 1993. Il s'intitule La Marmaille Nue, du nom de la société de spectacle que Manu créera avec l'éditrice Katia Benderman, et se vend à 5000 exemplaires dès la première année. Si les textes sont crus mais lumineux, musicalement c'est un disque riche et osé, comme sur ce deuxième titre, Allô Paris. J'ai beau savoir que ça me fout le cafard, je peux pas m'empêcher d'y croire. Quand la nuit sonne ses derniers coups, j'irai jusqu'au bout. J'aurais voulu oh, quelque chose de bien. J'aurais voulu debout sur le trottoir, comme chaque soir, je te raconte l'histoire des larmes de rue dans les bars qui puent, les regards moisis et les corps meurtris. Allô Paris, tout est fini, et putain, je suis fatigué. J'aurais voulu oh, quelque chose de bien. J'aurais voulu que tu me dises bien. Tout prix, même l'envie, bah, tu ne te souviens plus de rien, tu oublies un peu plus. Chaque matin, ta mémoire coule le long des trottoirs. Oh, en noyant mon désir dérisoire, j'aurais voulu quelque chose de bien. J'aurais voulu. Difficile de ressortir une chanson plutôt qu'une autre de cet album, tant qu'il possède une cohérence d'ensemble. Mais Allô Paris est véritablement le tube du disque, et le premier d'un artiste qui n'a pourtant jamais cherché à en faire. Pour preuve, c'est la seule chanson à posséder un clip officiel, en gris et rouge, avec un univers très personnel, où on voit Mano peindre et s'enfoncer dans le sol, tandis que le sida menace, sur fond de musique jazz, qui vire fanfare. Bref, du Mano Solo pure souche. S'il fallait n'en retenir qu'un, ce serait celui-là. À moins que... soir qu'on balance. Une histoire qui se déhanche, une histoire qui a pas de chance, une histoire qui a pas de sens, une histoire pire qu'un sale dimanche. Une fraction dans les rangs d'un sale monde de France. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Encore une histoire qui pave, une histoire bien pirave, une histoire de caf pour un peu on se marave. Une histoire bien pélanche, une histoire qu'on enfonce, une histoire pleine de ronces. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Encore une histoire qui crève là sur le trottoir. On se tourne le dos, on crache son dernier glavio. Tous mes amis m'ont dit que c'était moi, mon pire ennemi. Je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule. Pas grand chose à voir avec la chanson de Jean-Jacques Goldman, à part le titre pour ce « Je marche seul », qui montre l'intérêt de Manu Solo pour l'argot et le langage de la rue, en faisant notamment rimer pérave, ce qui est médiocre, et marave, se battre, avec bave. Autre curiosité, la durée. 1 minute 55 pour Je marche seul, 1 minute 47 pour La barre est dure, 2 minutes 42 pour Allo Paris, ou encore 2 minutes 37 pour le titre qui suit. Il y a peu de chansons de 3 minutes dans cet album, et une seule qui atteint péniblement les 4 minutes. 4 minutes exactement. Peut-être parce que Manu puise son inspiration dans l'énergie du punk, on l'a dit, peut-être aussi parce qu'il y a un caractère d'urgence dans sa création artistique. À ce sujet, il a déjà expliqué la raison pour laquelle il avait abandonné la peinture. Il faut toute une vie pour créer une œuvre en peinture. Alors qu'en musique, c'est beaucoup plus immédiat, a-t-il déclaré en substance. Et le temps, depuis ses 23 ans, quand il apprend qu'il est séropositif, il sait qu'il y est compté. J'avais le sacré cœur gros comme ça. Et j'avais le sacré cœur qui palpitait tout bas. Je savais même pas pourquoi. J'ai demandé aux passants s'il avait déjà été heureux un court instant. Mais les touristes ne sont pas tristes. Ils te font des sourires gentils un peu. Je les mettrais polis. Mais des fois, va savoir pourquoi. Alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur beau comme toi. Et même ces femmes tout autour qui viennent du monde entier pour te mater d'un regard qui fuit dans leur fantasme d'un pigalle rempli d'apache, du belphégor de la pyramide et la main de leur sœur dans la culotte du pont de l'Alma. Et même ces femmes de toutes les couleurs ne t'arrachent pas de cette torpeur qui t'est venue. Tu sais même plus d'où, et qui te colle là partout. Quand des fois, va savoir pourquoi. Alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur beau comme toi. Que je vais aller courir dans le lit de la Seine pour y dormir. Pas pour ça que je vais aller chialer dans la cour d'un ancien trop ancien amour. Même si des fois va savoir pourquoi. Alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur gros comme toi. Et des fois va savoir pourquoi. Alors que tout Paris t'ouvre les bras, tu te retrouves collé sur un pavé avec un sacré cœur gros comme toi. Mano Solo, c'est Paris. Le Paris de la rue, des bars qui puent, on l'a vu, des prostituées et de la drogue, on le verra, mais aussi, et c'est plus surprenant, du Sacré-Cœur. La basilique de Montmartre fait sens ici dans la mesure où Mano interpelle les touristes et où le cœur, le centre poétique des émotions, est personnifié. Et puis, la pyramide du Louvre, le pont de l'Alma et Pigalle sont également cités dans la chanson. Bonne RSE. Chacun sa peine, y'a des mariniers qui pleurent, et de leur tas de tôles moisies, on entend monter leurs cris. Et sur la tête de ma mère, moi je te jure qu'elle est belle la vie. Et sur la tête de tous mes frères, pas sur la tête de mon chien, lui c'est mon copain. Sur le quai chacun sa peine, y'a des mariniers qui ont des chagrins et qui cultivent leur haine. Soir au matin, y a plus de gasoil dans les cuves, y a plus que des chiens qui s'usent, les dents plantées dans la ferraille, et qui livrent l'ultime bataille. Sur le quai, chacun sa peine. Oh, oh. Sur le quai, chacun sa peine. Sur le quai, chacun sa peine. Il suffirait vraiment d'un rien, il suffirait qu'on les aime pour que les hommes pensent à demain. Il suffirait qu'elles reviennent, les femmes parties avec de vrais marins, que le tour du monde les ramène jusqu'au canal Saint-Martin. Sur le quai, chacun sa peine. Oh, oh, oh. Sur le quai, chacun sa peine. Sur le quai, chacun sa peine. Y'a les mariniers qui pleurent, et de leur tas de tôles moisies, on entend monter leurs cris. Et sur la tête de ma mère, moi je te jure qu'elle est belle la vie. Et sur la tête de tous mes frères, pas sur la tête de mon chien, lui c'est mon copain. Sur le quai, chacun sa peine. Oh, oh, oh. Sur le quai, chacun sa peine. Sur le quai, chacun sa peine. Oh, oh, oh, oh, oh. Sur le quai, chacun sa peine. Oh, oh, oh. On parle de punk pour qualifier la musique de Mano Solo, mais c'est uniquement dans son approche musicale, pas sa musique proprement dite. De même, le rock, ce ne sera qu'un aparté avec son groupe frère Misère en 1996. Non, les inspirations de Mano Solo sont davantage à aller chercher du côté de la chanson réaliste, dans la lignée de Ted Red, et, dans une certaine mesure, des négresses vertes et du jazz. De fait, les instruments qui prédominent dans cet album sont l'accordéon sur Allez viens ou Chacun sa peine, le titre que l'on vient d'entendre, la clarinette sur La barre est dure qui ouvre l'album, le saxophone ou la trompette sur Julie ou Le monde entier, ou encore l'harmonica sur Pas du gâteau qui lui donne un incontestable côté blues. C'est le titre que l'on va écouter à présent, 15h du matin, sonne plus rock avec ta guitare électrique à la fin, mais rock, c'est un bien grand mot. Disons que la guitare le sert surtout à écraser le cafard, un grand coup de butoir. À 15 ans du matin, j'ai pris par un drôle de chemin, des épines plein les bras, je me suis troué la peau mille fois. À 18 ans du matin, j'étais dans un sale pétrin, jouant du poing de la chignole, la cambriole, du vol de bagnole, ça fait du temps. Maintenant, inexorablement passe le temps qui tue les enfants. À 18 ans du soir, j'ai perdu la mémoire. À 20 ans du matin, j'ai vraiment connu l'amour qui devait rimer avec toujours. Il a rimé avec hier. À 23 ans du matin, tout seul comme tout un chacun, les yeux grands ouverts de ne rien voir, j'ai peint des tableaux tout noirs. Ça fait du temps. Maintenant, inexorablement passe le temps qui tue les enfants. À 23 ans du soir, j'ai perdu la mémoire. Hey! 4 ans du matin, la mort m'a serré la main et en me tapant un coup dans le dos, elle m'a dit salut et à bientôt. À 27 ans du matin, j'ai chopé ma putain de guitare et à grand coup de butoir, j'écrase le cafard. Ça fait du temps, maintenant, inexorablement, passe le temps qui tue les enfants. À 29 ans du soir, j'ai perdu la mémoire. Oh, je t'abandonne ma mémoire. 15 ans du matin était évidemment la chanson la plus autobiographique d'un album qui l'est pourtant de bout à l'autre. Mais elle propose une vision globale de l'artiste, avec cette idée géniale de réduire toute son existence en une journée. Exprimer un concept au moyen d'un terme désignant un autre concept, qui lui est uni par une relation nécessaire, est une figure de style qu'on appelle une métonymie. Mais la vie en une journée, c'est autrement plus poétique que boire un verre, par exemple. Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un, on le tiendra par la main, tous les trois, on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de rioso, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents dans les jours où c'est un enfant. Je lui dirais salut mon petit gars, lui me dirait salut papa. Je l'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment enquêtera les meufs, comment c'est qu'on fait la teuf. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler de la morve d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu me dis que tout ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire. Mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir. Même si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, on fera pas de marmot. Pour l'heure que l'est tout haut, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure que l'est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Vous êtes bien sur Sorge FM à l'écoute de En français dans le texte aujourd'hui pour une émission spéciale consacrée à l'écoute intégrale du premier album de Manu Solo. On vient d'entendre Pas du gâteau, 7e piste de la Marmagnie, et l'on poursuit sans autre cérémonie à la rencontre de Julie. Tu viendras me servir en bougeant autour de moi, et je sentirai l'odeur de sous tes bras et même tes cheveux gras, de l'odeur des frites me me feront rêver. Et c'est 10 fois que je recommande. Fais monter la pression, Julie. Et pendant que t'y es, mets-y un peu de piquant. Fais monter la pression, Julie. Il est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Encore une fois, serre-moi. Tes yeux dans mon ivresse, en essuyant tes verres avec tendresse. Et que petite sœur de malheur, oh, tu éveilles en moi l'inceste. Je ne te parlerai pas de ma femme, qui est partie même pas pour un autre. Et je ferai tout pour que tu croies, oh, que je suis un homme libre. Fais monter la pression, Julie. Et pendant que t'y es, mets-y un peu de piquant. Fais monter la pression, Julie. Il n'est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Oh, oh, oh. Encore une fois, serre-moi. Ce sera pas la dernière fois. Et si toi aussi t'en as marre, et que tu te seras servi au comptoir, dans la belle brochette de baveux, qu'ont tous la même couleur au fond des yeux, et que tu m'emmènes chez toi, oh, juste parce qu'il fait chaud et qu'il n'y a vraiment rien d'autre à foutre. Oh, jeu de baiser, un instant pour instant, un crachat dans le néant. Sommeil de plomb. Fais monter la pression, Julie. Et pendant que tu y es, mets-y un peu de piquant. Fais monter la pression, Julie. Il est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi. Oh, oh, oh. Encore une fois, serre-moi. Oh, tout contre toi, tout contre toi. Et à 1000 bornes de l'espoir, me combler pour un soir, et à 1000 bornes de l'espoir, oh oh, me combler pour un soir, pour un soir. Si ce titre a un côté très jazzy à la Miles Davis avec sa trompette, Julie nous renvoie pourtant davantage dans les estaminets miteux de la capitale que dans les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés. C'est une ode à Julie, serveuse dans un bar que Mano aime fréquenter, qui lui donne sa dose d'alcool et dans les bras de qui il aimerait oublier pour une nuit ses soucis. C'est subtil, notamment grâce à ses trouvailles linguistiques, le « serre-moi » qui revient tel un leitmotiv et qui peut être interprété dans son sens attendu ici, de « servir », mais aussi dans celui de « serrer », puisqu'il s'agit de réconfort finalement avec l'alcool ou la chaleur humaine et de rien. Construirons ensemble la nouvelle déchirure. Ouais, je sais, y a des trucs qui s'oublient pas. Oh, mais moi, tu sais, j'oublie rien. Allez, viens, et c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras laissé, quand tu m'auras repris, bien plus que tu m'auras donné. Allez, viens, y'a qu'à faire semblant de rien. Juste un peu fermer les yeux, rien qu'y croire un tout petit peu. Allez, viens, dors dans mes bras. Tu vois, y'a mille et une raisons pour pas rester seul comme un chien. Allez, viens, et c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras blessé, quand tu m'auras griffé. Ne regarde trop lointain quand t'auras tout dit, sans un mot dans l'arrière-salle d'un bistrot. Et c'est toi que je plairai demain quand tout Paris me demandera et pourquoi. Et pourquoi, et pourquoi t'es plus là? Allez viens, c'est sûr qu'on peut rester tout seul plus tard, mais on a vraiment toute la vie pour ça. Allez viens, laisse-toi faire, on laissera nos casseroles au vestiaire, on ouvrira un peu les yeux, on sentira un peu moins vieux. Et c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras laissé, quand tu m'auras repris bien plus que tu m'auras donné. Et c'est toi que je pleurerai demain quand tu m'auras laissé, quand tu m'auras repris bien plus que tu m'auras donné. Allez viens. Tous les mercredis des 10 à 11h et les jeudis des 17h30 à 18h30, vous avez rendez-vous avec Bertrand pour une heure de chansons françaises et c'est en français dans les textes. De Brel à Aznavour, de Brassens à Moustaki, de Barbara à la nouvelle chanson française, retrouvez l'histoire de la chanson française à travers des titres, paroles et musiques, mais aussi des anecdotes sur la réalisation de chansons. Alors n'oubliez pas, en français dans les textes, c'est les mercredis des 10 à 11h et les jeudis des 17h30 à 18h30 sur Sorgea FM. Seul ce soir, tu es là pourtant, dans mon lit, dans ma nuit, je ferais mieux me coucher contre ton corps, au lieu de rester là à fumer, encore et encore. Mais tu sais, pour moi, il y a des choses simples qui ne le sont pas. Et c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que moi je dors pas. Comme un lamentin qui se lamente dans les eaux troubles du manque, j'ai la mort aux trousses qui me fout les foies, qui me hante, qui me tente, qui me vante son antre. Et combattant immobile, j'écoute bouillir mon sang, ma bile et battra mes tempes. Le décompte du temps. Et c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que je veux pas crever. Et la nuit s'éternise, je penche comme la tour de Pise, fatigué sur un dernier dessin, encore un qui raconte que je me sens pas bien. Alors je sommeille, mais je veux pas dormir. Alors je veille, je sais qu'un jour tu vas partir. Parce que c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que moi je dors pas. Et le bleu du petit matin me délivre enfin. Et je fume mon dernier joint. Et c'est déjà demain. J'ai vu une fille aujourd'hui qui m'a montré que je n'étais pas mort. Je l'ai vu dans ses yeux effleurant les miens. Je l'ai vu dans son sourire si beau. Il paraissait être né, avoir grandi et marché jusqu'ici pour me plaire. Pour que se gonfle ma poitrine et qu'enfin mon corps et mon âme se retrouvent d'accord, dans la même direction, le même élan intérieur. J'ai pensé à elle toute la nuit, j'ai serré dans mes bras son image vivante et je sentais déjà m'envahir sa douceur. Je n'étais plus triste, à croire que même si on en doute, Paris finit toujours par accoucher devant tes yeux de ce qui n'existait pas, de ce qui n'existait plus. Et là, comme ça, en un instant, tout peut recommencer. Ça ne s'est pas passé, mais ça aurait pu. J'ai pensé à elle plusieurs jours et son image se troublait, enveloppant ses yeux sombres d'un brouillard éclatant. Je ne savais plus si j'avais rêvé pincement. Je suis retourné au bar. Et j'ai attendu, sûr qu'elle ne reviendrait pas, juste pour voir si moi je croyais. Mais je ne sais plus. J'ai bien trop envie d'y croire pour que ce soit vrai. Et même si elle débarquait d'un coup, venir respirer dans mon cou, y accrocher ne serait-ce qu'une attente à mes lèvres pendantes, et que jamais ses yeux attentifs ne se détournent de moi, et que je me laisse aller, oublier qui je suis, et l'impasse au bout du carton, ce serait le premier mensonge, la première faiblesse, Le premier grain de sable dans la capote. Croire est toujours la première erreur. Tendre la main, c'est comme poser sa tête sur le billet. Vouloir aimer, c'est tendre la peau pour que le sang la déchire. J'ai envie de hurler dans ce bar où je connais tout le monde et surtout personne. Je me sens criblé d'une ferraille brûlante qui brûle mon âme et consume mes espoirs. À mesure que mon verre se vide et mes yeux cherchent une ultime lunette, celle qui rigole pas, avec, planquée derrière, la mort sûre et coulée, gracieuse comme une gazelle et froide comme ce soleil. Et j'ai tellement mal que j'attends les cascades d'estocade qui lavera mon corps des souillures de l'échec. Et je ne suis qu'un chien qui se prend pour un taureau et les habits de lumière ne tireront jamais gloire à me faire toucher terre. Ni une, ni deux, ni trois passes et encore moins le coup de grâce et la fanfare de fantôme a remballé ses violons. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu dans ce genre de pièce à con. Alors, j'y suis retourné, mais je n'attendais plus et tout recule. J'ai retrouvé ma guitare qui, elle, m'attend tout le temps. Et seul, dans le théâtre à 5 heures du mat, j'ai chanté pour le fauteuil. Si cette fille avait été là, je lui aurais fait la totale, sorti le grand jeu, rien pour elle, et ça aurait fini les yeux, dans le pourpre de la salle. Peut-être que j'aurais tendu ma main vers sa joue, peut-être que ses yeux, une seconde, se seraient fermés, un signe d'abandon. Des heures que tu l'attends, t'as mal aux os, t'as mal au dos, tu transpires, c'est pas parce qu'il fait chaud, et tu trembles, c'est pas parce que t'as froid, et tu l'attends, le salaud. Il prend son temps, il sait qu'il aura ton argent, tu ferais n'importe quoi pour avoir ton petit kepa. Oh, oh, tu voudrais la sentir déjà au creux de ton bras. Oh, la femme de ceux qui n'en ont pas. Tu le vois venir de loin, c'est ton soleil qui revient avec sa sale petite gueule d'enculé. T'es sûr que ce mec-là, il va t'arnaquer. Mais déjà tu flippes comme un chien de peur qu'il te dise qu'il n'a rien. Et quand il tend sa merde avec mépris, tu vas même jusqu'à lui dire oh merci. Tu voudrais la sentir déjà au creux de ton bras. Oh, la femme de ceux qui n'en ont pas. Tu cours dans une sanisette, et là pour toi c'est la fête. Et là, avec l'eau de la cuvette, tu prépares ta petite dinette. Oh, et quand enfin tu plantes ton pied dans ton bras devenu noueux et que le rouge se mêle au blanc, c'est la fin du tourment. Tu la sens maintenant au creux de ton bras. Dans la rue, et déjà tu te souviens même plus qui t'étais avant, du temps où t'avais des couilles, où t'étais fier, du temps où t'avais même des rêves. Et tu piques du zen dans la rue. J'ai comme envie de te botter le cul, mais j'ai bien trop peur de te casser en deux, tellement que t'as l'air d'un petit vieux avec la ombre de ton bras. Qui n'en ont pas. Elle est vieille ta femme, elle est trop vieille pour toi. La drogue, c'est, avec le sida et la mort, le grand sujet de nos solos. Entre 15 et 20 ans, ils ombrent dans l'héroïne, l'alcool et autres dérives morphiniques. Pourtant, chez lui, la drogue n'est pas idéalisée. Elle est à l'image de sa poésie, crue, âcre, amère. Une explication à cela peut venir de Lou Reed. Une fois, en interview, alors qu'on lui demandait s'il en voulait à quelqu'un, il avait répondu, Lou Reed, qui faisait semblant de se jeter sur scène au moment de débuter sa célèbre chanson, Héroïne, avec le Velvet Underground, et qui a donné une image romantique à la drogue. Mano a, par la suite, nuançait ses propos, expliquant qu'il avait lâché le nom de Louride uniquement parce qu'il fallait trouver quelqu'un, mais qu'il ne lui en voulait pas vraiment. Quoi qu'il en soit, en matière de drogue, Manu Solo peut véritablement être considéré comme l'anti-Louride. Jamais à quel point j'étais triste, à quel point tu t'es trompé. Le monde entier n'a même pas vu qu'on t'avait retrouvé pendu à tes pieds, deux, trois dessins et des lettres à tes copains. Mais moi j'étais trop loin, j'étais même pas là pour tendre la main. Le monde entier n'a pas chialé, le monde entier n'est pas là pour ça. Le monde entier ne t'en a pas voulu autant que moi. Si tu m'avais demandé, moi je t'aurais dit que dans la vie, ce qui compte c'est pas l'issue mais c'est le combat qu'il faut rendre ce que tu reçois, les mauvais coups comme les plus bas, et que rien que la beauté du geste te donne raison sur ce que tu détestes. Mais pour ça j'étais trop loin, j'étais même pas là pour tendre la main. Allez! J'avais pour toi des rêves pleins d'entrain qui finissaient pas au cimetière pantin. Même si moi aussi j'ai mille fois l'envie de dire va te faire foutre la vie. Mais tu vois, il me reste encore une bonne droite et je l'ai pas encore collée dans la gueule du monde entier, du monde entier. Le monde entier ne saura jamais à quel point j'étais triste, à quel point tu t'es trompé. Le monde entier n'a même pas vu qu'on t'avait retrouvé pendu à tes pieds de trois dessins et des lettres à tes copains. Autre thème typiquement manolesque, le suicide. Avec le Paris populaire, la vie nocturne et marginale, le sida et la mort, le suicide est omniprésent de cet album. Ce qui crée un univers d'écorché vif, angoissé et torturé, qui évoluera pourtant au fil des albums, pour laisser place à une certaine forme de réconciliation avec l'existence. C'est pourquoi une relative mécompréhension a pu apparaître entre l'artiste et les médias, ce dernier ne voyant que la tristesse supposée de l'univers de Manu Solo, alors que lui l'a toujours contesté, préférant au contraire parler d'une musique de combat et de vitalité. Un peu bourré, un peu perdu, on met pas suivait le ruisseau d'un putain de caniveau. Oh, sa bouche donnait à rêver à n'importe lequel du quartier. Oh, c'était une de ces grosses queblas, elle s'appelait Sina. Alors le rêve, ouais, ça coûte 100 balles. Allonge mon vieux, c'est mon casse-dalle. Et la lune reflétait par terre, ouais, comme une étoile de mer. Et la lune reflétait par terre, ouais, comme une étoile de mer. J'ai suivi ses pas qui claquait devant moi. Oh, oh, 128 de la rue Saint-Denis, on n'espère pas, on oublie que la lune reflétait par terre, ouais, comme une étoile de mer. Que la lune reflétait par terre, ouais, comme une étoile de mer. je marche dans les rues sans savoir vraiment ni comment, ni pourquoi. Oh, oh, oh, j'en suis arrivé là et la lune reflétait par terre comme une étoile de mer. Et la lune reflétait par terre comme une étoile de mer. Et la lune par terre comme une étoile de mer. Et la lune par terre comme une étoile de mer. Et la lune par terre. Chez toi, là, comme ça, à te prendre pour une nature morte. Et on ira boire de la bière dans les bars. Et si quelqu'un sort une guitare, on évitera peut-être pour une fois la bagarre. On boira comme des porcs à la santé de la nôtre perdue. Et on se cassera la voix à gueuler qu'on y croit. Dis-moi qu'on y croyait. À quoi déjà? On s'en souvient pas. On s'en souvient plus. On l'a jamais su. Allez, viens mon pote. Même si tu piques, même si tu rôtes, on chante tous la même chanson qui racle, qui vient du fond. C'est celle qui fait pleurer les filles quand on leur tripote le parésil, juste avant de se faire cramer par un autre salaud qui était peut-être un peu moins alcoolo. Pourtant c'est tous soif qu'on a, tous soif de petits bras. Mais c'est de la bière qui coule dans notre cou, sur la peau, bave, bisous. Et comme ça jusqu'au bout de la nuit, on s'écroulera tous dans le même lit. C'est le lit du manque, la dernière étape de la déjante. Et on se lèvera le matin, on dira plus rien. Encore une journée à attendre que la nuit vienne nous prendre. Allez, viens mon pote, ce soir l'alcool nous emporte. Ce soir l'alcool nous emporte. Et on boira comme des porcs à la santé de la nôtre perdue. Et on se cassera la voix à gueuler qu'on y croit. Du moins qu'on y croyait. À quoi déjà? On s'en souvient pas. On s'en souvient plus. On l'a jamais su. Oh, crois qu'il y a toujours plus profond que le fond. Et c'est là qu'on habite, et c'est là notre maison. Il y a toujours plus profond que le fond. La fin en fanfare de la lune fait un peu penser aux négresses vertes, même époque, même esprit, volonté transgressive que même au soleil. Quant à On boira de la bière, le titre que l'on vient d'écouter, il l'orne vers d'autres inspirations, peut-être Renaud, le Renaud de sa chanson intitulée Manu pour le thème de l'amitié, lequel était déjà proche du Jeff de Jacques Brel. Sans toi, sans moi, sans nous, sans rien, comment vacances dans un pays aux murs trop blancs, où viennent en nombre buter les idées sombres sur les décombres d'un cœur qui sombre. Il y a trop, beaucoup trop de silence dans mes vacances. Sans te parler, sans t'appeler, sans t'écrire, sans rien choisir, sans rien attendre, sans rien entendre, sans rien comprendre, sans sentir ta voix et tes mots posés sur moi, sans entendre la musique de ta peau sur mes draps. Beaucoup trop de silence dans mes vacances. J'ai pas vu ce matin sortir tes fesses de nos draps sales. J'ai pas senti ta main dans mes cheveux comme pour me réchauffer le rêve. J'ai pas senti ton souffle dans mon cou, ni ta bouche susurrer un salut, à plus tard. Ça me fait penser que hier non plus, que hier non plus. En pleine lumière, sans un coin d'ombre bien trop sincère pour pas être tout seul au monde. Comme un chien dans l'arène de mon propre désir, j'aboie à perdre haleine, je supplie la fin du martyr. Belle s'habille de lumière, ne tireront jamais leur gloire à me faire toucher terre. On coupe les phares, fini la fanfare, je reste dans le noir. Il y a trop, beaucoup trop de silence dans mes C'est avec l'ambiance davantage dépressive que festive de Trop de silence que s'achève La Marmalade, un album que résume ainsi Guy et Bernard Dany sur LinkedIn, je cite. Tout au long de La Marmalade, il nous parle de déprime, de solitude, d'absence d'idéal et bien sûr de sida, sur un ton brumeux, écorché, imprégné d'un drôle de trémolo. Entouré d'une formation qui limite sa participation à la clarinette et au violon, à la guitare et à l'accordéon, son expression flotte entre guinguette, jazz et flamenco. Un style qui, malgré quelques affinités avec les Négresses Vertes ou Pigalle, s'inscrit plutôt dans la tradition de la bonne chanson française. La suite de la carrière de Manu Solo sera marquée par une évolution au fil des 6 albums studio qu'il produira jusqu'à sa mort en 2010. De la musette et de la chanson réaliste au départ, puis davantage de rock et de musique du monde, notamment de musique africaine. Mais avant cela, il y a la perle de son deuxième album, intitulé Les années sombres, au Paris en 1995. Je vais bien sûr parler de cet album. Thank you. sais que c'est en vain que je mords un sein, que j'embrasse une épaule, que ma peau se frotte et frôle. Et je sais que c'est en vain que mille fois je replonge sans jamais me mouiller, sans jamais me noyer. Je sais que c'est en vain que je dévore la route pour chaque soir étaler mes croûtes. Tu n'es pas dans la salle, c'est sur une autre scène que tu déballes tes oripeaux et ton pipeau. Je sais que c'est en vain, y'a plus que des villes sans fleuves, des pays sans femmes et sans chiens, y'a plus que des ports sans voile et des métros sans bouche. J'ai oublié ton numéro, mais pas celui qu'on faisait tous les deux, qu'on faisait tous les deux. J'aurais beau me chercher une voie sans traverse, un chemin sans l'enfer, j'aurais beau courir plus vite que mon corps et trouver une mort sans cimetière, j'aurais beau chercher des journées sans remords et des boules sans qui est-ce, j'aurais beau lutter sans force et abandonner avec violence. Mais je sais que c'est en vain. Depuis toi, depuis toi, je n'aime rien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous jeudi de 17h30 à 18h30 et mercredi de 10h à 11h sur les 91 et 102.5 MHz de Saint-Germain pour une nouvelle émission de En Francophonie. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable semaine à l'écoute de Saint-Germain, évidemment. Prescriptum. Lors de cette émission, vous avez pu entendre les chansons suivantes, toutes interprétées par Manu Solé, sa syndicatrice. Ombre des Noches, de et par Chihuahua, La Barre est dure, Allo Paris, Je marche seul, Sacré-Cœur, Chacun sa peine, 15 ans du matin, Pas du gâteau, Julie, Allez viens, Toujours quand tu dors, Au creux de ton bras, Le monde entier, La Lune, On boira de la bière, Trop de silence, et C'est en vain, de et par Manu Solé. Ainsi que des extraits d'un poème de Manu Solé intitulé Une fille, sans oublier la valse de Mélie, de Yann Cassin.